Cette nuit-là, Cupidon errait sous la lune, pleine et capricieuse. Ses ailes lourdes traînaient derrière lui, et son carquois vibrait d'une magie qu'il peinait à contenir. On lui avait confié une mission claire, unir les deux plus jolies demoiselles des alentours aux deux vaillants villageois Tom et Samuel. Tom, magnifique blond aux yeux bleus, et Samuel, grand brun ténébreux, étaient en effet en âge de se marier. Mais quelque chose rôdait dans la forêt, quelque chose qui altérait les sorts. Le vent lui murmurait des avertissements. La lune rouge peut-être. Sa main tremblait malgré lui. Il tira. Deux flèches d'or s'élancèrent, mais l'air sembla se déchirer autour d'elle. La lune cligna, et l'ombre d'un loup traversa brièvement le ciel. Les projectiles changèrent leur trajectoire, comme happés par une volonté étrangère. Quand Cupidon rouvrit les yeux, le désastre était déjà en marche.